Chez Jean Dumas Ford de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système ProTrailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Excellent article cette semaine sur le site de la presse de Jean-François Coderre, où il nous expliquait que les profits de RDS sont nettement en chute libre. RDS qui avait fait des profits très intéressants. On parle de 26 millions avant perte, ce qui veut dire à peu près autour de 20 millions. On va en parler avec l'auteur de l'article, Jean-François Coderre de la presse. Bon midi, Jean-François. Bon midi. Jean-François, c'est quand même exceptionnel de voir que RDS, qui était une chaîne qui était extrêmement rentable, tu l'as marqué dans l'article, 26,4 millions de dollars. Ils ont déjà fait un profit de 26 millions avant impôt. Et là, on n'est plus rentable. Comment expliquer ça? Comme tu as dit, RDS, c'était reconnu un peu comme une vache à lait là, à l'époque pour Bell. Ça en tirait des profits assez importants année après année. Puis là, du jour au lendemain, en fait, en dedans de 2 ans, on est passé de 26,4 millions à 13 millions à peu près l'année passée. Puis là, à zéro cette année. Quand je dis cette année, là, c'est l'année qui est finie, parce que c'est important là, de dire que c'est avant la COVID. Là. C'est pas la COVID qui a rapport à ça. Là. C'est l'année qui a fini le 31 août l'année passée, donc ça fait presque déjà un an. Puis pour situer les gens, en termes de saison de hockey, là, c'est l'année que les Canadiens ont presque fait des séries. Là, ils étaient à 1 ou 2 points, là, l'année qui ont surpris un petit peu. Fait que c'est pas parce que les Canadiens avaient une année exceptionnellement mauvaise qu'ils étaient éliminés au mois de janvier non plus. Là. Ils étaient dans la course jusqu'à la fin, fait que ça l'a aidé. Mais ouais, donc les profits ont complètement disparu en l'espace de 2 ans. Une chose importante, c'est les ventes de pubs. Donc, en fait, il y a 2 grosses sources de revenus pour les chaînes spécialisées comme RDS. C'est les abonnements, puis la pub. Puis dans les 2 cas, il y a des reculs, mais le plus important vraiment, c'est la pub. Puis ça correspond un peu à ce qu'on voit dans tous les médias, là. C'est-à-dire que indépendamment de s'ils sont écoutés ou non, ou lus ou non, quand c'est des médias écrits, la pub diminue. Quand même que tu serais puis c'est le cas de plusieurs médias qui, à cause d'Internet, tout ça, font des records d'écoute ou de lecture, mais ça se traduit pas en vente publicitaire parce que c'est quelque chose de différent. Il faut séparer le lectorat ou l'écoute. Et puis, la vente de pub. La vente de pub, il y a de plus en plus de concurrence. On parle énormément de Facebook, Google, tout ça. Donc, les annonceurs ont le choix de mettre leur dollar un peu n'importe où. Puis de plus en plus, ils mettent sur Facebook et Google au lieu de la presse ou RDS, par exemple. OK. Donc, c'est pas nécessairement... Et moi, ce que j'aurais pensé, c'est le code coding. C'est pas nécessairement ça qui a fait ça. C'est une portion, en fait. Donc, si on regarde les revenus d'abonnement de RDS ont diminué dans l'ensemble. Attends un peu, faudrait que je regarde là, mais. Je vais la sortir. Ils ont diminué quand même, je pense que c'est de 1,2%, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est 1,2%, non? Non, c'est ça, c'est pas immense, là. Puis le nombre d'abonnés, a reculé d'à peu près 9%, mais on devine que les tarifs ont augmenté pour compenser. Donc, c'est ça. RDS, les nombres, les revenus depuis 2 ans ont diminué de 8% quand même. OK, c'est pas rien. De 1% l'année passée, puis de 8% depuis 2 ans, les revenus d'abonnement. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Concrètement, là, en 2 ans, on est passé à peu près 104 millions à 97 millions. Fait qu'on a perdu à peu près 7 millions là-dessus. C'est quand même significatif, mais c'est pas la principale source de revenus là, de chute. C'est vraiment la publicité qui, elle, si on regarde juste l'année passée, est passée d'à peu près 45 millions à un peu moins de 35 millions. Là. Donc, on a perdu à peu près 10 millions de revenus publicitaires en une année. Et hey, puis, ce qui est incroyable, c'est que la COVID est arrivée. Donc, ça, c'est très bien spécifié. Là, c'est avant la COVID. Imagine-toi, là, cette année, là, c'est l'année financière finie le 31 août. Imagine-toi, là, après la COVID, là, la COVID va être là. Comment que les pertes, ça va être gigantesque? C'est certain que les revenus vont en baisser énormément. Ça va devoir à quel point les dépenses ont baissé aussi. Je sais pas comment les contrats sont structurés. Si, par exemple, ils n'ont pas eu à payer le hockey, les droits pour le hockey, pour les matchs qui n'ont pas été joués, ça peut aider le bout. Surtout, par exemple, TVA Sport, là, c'est clair pour eux que le hockey est très déficitaire. Ben, si on n'a pas eu à payer les droits, c'est peut-être une bonne nouvelle quasiment. Moi, c'est ce qui explique un peu peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine, sais-tu pourquoi que le bulletin de sport n'est pas revenu à TVA? Je pense que ça l'explique un peu ça. C'est qu'ils sont déjà déficitaires à TVA Sport. Et là, avec la COVID, c'est venu pour. C'est une supposition que je fais. J'ai aucune information. Ouais. Donc, j'imagine que c'est le moyen aussi de couper. On va parler de TVA Sport. Dans le même article, tu dis que TVA Sport a réduit ses pertes. C'est quand même encore incroyable. Aller jusqu'au 31 août, l'année passée, les pertes de TVA Sport étaient de 17 millions, comparativement à 21 millions. Donc, on a baissé 4 millions là-dessus. Et je regarde, tu mentionnes qu'en 2015, c'était 39 millions. TVA Sport a quand même baissé. Là. Oui, mais d'année en année, là, si je regarde, là, ça, c'est toujours les bénéfices avant impôts et intérêts. Ça ne sont pas appelés les bénéfices d'exploitation, là, mais si je regarde depuis 2015, on est passé de presque 39 millions, après ça à 34 millions, 21 millions et demi, 22 millions, puis là 17 millions. Donc, ça s'améliore, mais c'est sûr qu'il y a encore une grosse côte à remonter. En fait, c'est difficile de voir le jour où TVA Sport va être rentable, là, parce que déjà là, on a coupé beaucoup sur les dépenses. C'est ce qui explique un peu l'amélioration. C'est pas qu'ils ont fait plus de revenus, peut-être un petit peu, mais ils ont fait une petite affaire plus de revenus, là, mais c'est vraiment marginal. C'est vraiment qu'on a diminué dans les dépenses. On a coupé à peu près 4,5 millions de dépenses. Est-ce que c'est vrai? C'est une information que je savais. T'en parles pas. Je sais pas si c'est vrai que la masse salariale de TVA Sports serait autour de 120 millions. As-tu déjà entendu parler de ça? C'est-tu vrai? Non, c'est vraiment pas vrai. Non, voit là, dans les chiffres du CRTC, la rémunération totale à TVA Sports, c'est 8,7 millions à peu près. OK, donc c'est pas vrai que puisque j'ai entendu parler qu'à un moment donné, des Morissettes pouvaient gagner 600 000. Après ça, je ne peux pas dire les salaires du jeune, mais par contre, c'est une information qui est pertinente, qui est intéressante là-dedans. C'est le salaire moyen est nettement plus élevé chez TVA Sport qu'à RDS. Okay. On parle d'à peu près 124 000 $ chez TVA Sport contre 73 000 $ à RDS. Donc, à peu près 70% de plus. Ceci dit, TVA Sport fait partie évidemment du groupe TVA. Fait qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de personnel de soutien, par exemple, qui est comme partagé ou qui compte pas vraiment la dépense de TVA Sport. Fait que on peut présumer que une des raisons, c'est que les gros salaires, là, les animateurs, tout ça, sont plus dilués chez RDS parce que beaucoup, tu sais, il y a presque deux fois plus d'employés aussi là chez RDS là, qui sont comptabilisés. Donc, ils sont probablement plus, les gros salaires sont plus dilués chez RDS que chez TVA Sport. Mais ceci dit, c'est vrai qu'au départ, à tout le moins, là, de TVA Sport, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais on entendait beaucoup effectivement qu'il y avait eu des très gros contrats qui s'étaient donnés pour faire quelques défections là, de RDS vers TVA Sport. 124 000 à 73 000, c'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Ouais. Tu t'attends-tu des changements? Parce que là, c'est sûr que là, la COVID va arriver. Tu t'attends, on va avoir des résultats. C'est sûr que le 31 août, on va avoir des résultats. Tu t'attends-tu des gros changements chez RDS? Je sais pas, en fait. Honnêtement, je suis pas assez au courant quand est-ce que je pense qu'ils viennent de renouveler leur contrat avec le Canadien, qui était peut-être un an ou deux. Ce qui fait que c'est un gros morceau de leurs dépenses qui est fixé pour quelques années. J'ai l'impression qu'ils vont attendre de voir comment le marché va reprendre une fois que le sport va reprendre avant de prendre une décision. Ils ont les moyens quand même d'attendre, là. Ils sont avec Bell, ils ont les moyens de prendre le temps un petit peu d'attendre, de voir comment ça se déroule. Mais c'est sûr qu'il y a un effondrement publicitaire important. Puis ils n'auront pas le choix de réagir à ça. Là, comment? Ça va être difficile à voir. En fait, ce qui peut les aider, c'est que autant TVA qu'eux font là, perdent de l'argent maintenant, il n'y a personne qui a moyen de se lancer dans des dépenses folles quand les contrats de droits vont renouveler. On peut s'attendre à ce que peut-être le prix des droits diminue, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les ligues. Mais la surenchère des années passées est peut-être finie. Là. Peut-être que quand les nouveaux contrats qui vont arriver à échéance, les deux réseaux risquent d'être plus prudents un petit peu dans leurs enchères. Ce qui pourrait. C'est le cut-cutting aussi. Le cut-cutting est important là, là-dedans. Dans les deux cas, il faut dire là, les dépenses de droits, c'est de loin, de très, très loin, les dépenses les plus importantes. Là. Pour donner une idée, là, chez RDS, les dépenses donc programmation et production, donc ça inclut les coûts pour faire les émissions, là, par exemple pour filmer les matchs des Canadiens, tout ça, mais quand même une grosse partie de ça qui est les droits. Puis ça, c'est 127 millions sur des dépenses totales de 148 millions. Fait que le gros des dépenses, c'est des droits. C'est pas autant le personnel, le technique, tout ça, il y en a un peu, là, mais c'est vraiment les dépenses, la production du contenu. T'sais, dans le fond, le personnel, c'est 10 millions là, chez RDS. Ça fait peut-être à peu près 100 millions, 110 millions de droits. Fait que tout est là, tout se joue là pour ce réseau-là. Puis c'est là que. Il y a surenchère aussi, puis tout ça, hein. C'est ça. Mais, avec, depuis la partition de RDS, il y a une immense surenchère. Pas de RDS, de TVA Sport, il y a une immense surenchère pour s'assurer du contenu, parce que c'est bien beau avoir une chaîne de sport, mais il faut que tu aies de quoi mettre en nom. Ben ouais. Fait que il y a une immense surenchère. Le hockey est l'exemple le plus flagrant, là, mais c'est vrai pour tout. Là. Même, tu sais, on a vu commencer à apparaître des enchères pour des choses qu'on s'attendait pas, là, tu sais, des matchs de baseball, tu sais, qui sont même pas les Blue Jays, là, puis tu sais, des fois, ça fait que c'est un peu intense, mais c'est ça, on peut s'attendre à ce que ça ralentisse probablement, là, avec les années, là, avec la fin des contrats. Ouais. Donc, c'est intéressant, puis dans l'article, c'est sûr que je suis un podcast de sport, je te cacherai pas, mais dans l'article, c'est quand même intéressant de voir que c'est Canal D qui est le plus rentable, avec celui-là qui a fait le plus de profit ou de progression, c'est Historia, 145,8. C'est là, ouais, que ça prouve à quelque part que la clé, là, c'est d'avoir des bons reportages puis pas trop de dépenses. Parce que Historia et Canal D, c'est vraiment ça, là. T'as aucune dépense. Ben c'est ça. Et effectivement, là, Historia, tu dis Historia, tu sais, on voit le classement Historia, Canal D, Canal J, même Siri Plus, c'est pas des postes, c'est les quatre plus rentables, là, c'est pas des postes qui ont des grosses dépenses. Là, c'est souvent, ça achète beaucoup du contenu américain ou autre, là, qui est traduit. Ou encore des reportages québécois qui ont été faits par une firme indépendante. Ça arrive souvent aussi. C'est ça, exact. Les producteurs, c'est ça, exact. Des productions externes pour lesquelles souvent ils ont des crises d'impôts, tout ça. Puis, fait que, c'est, effectivement, c'est. Dans les chaînes spécialisées, là, la recette de plus en plus, c'est d'avoir le moins de dépenses possible parce que les revenus disparaissent. Tu as parlé de cord-cutting. Avant, là, souvent, c'était vendu en package en plus. Fait qu'il n'y avait même pas à forcer. Là, c'était des revenus automatiques qui rentraient garantis. Là, de plus en plus, on est obligé de se battre pour prouver aux gens que le 2 piastres par mois, ben je le vaux, tu sais, alors qu'avant, c'était un peu automatique. Fait que c'est de plus en plus difficile de les revenus d'abonnement s'effritent, les revenus publicitaires aussi, donc la recette, malheureusement, de plus en plus, c'est de faire du contenu cheap, là, ce qui est un peu, ce qui est pas le cas nécessairement, là, je veux pas dire qu'il y a tout ce que Canal D, Canal V, Historia et Série Plus font, et du contenu cheap, mais il y en a, là, fait que il y en a une bonne partie, fait que malheureusement, c'est un peu la recette de faire de l'argent dans ce marché-là. Jean-François Codin, un gros merci. Très intéressant l'article que tu as pondu cette semaine et au plaisir de se parler. Parfait, merci, au revoir. Jean-François Codin du Journal de la Presse qui nous parle que RDS n'est plus rentable.